Oh, tired of life, I'm tired of you. I need to change, find something new. I'm tired of life, I'm tired of you. I need to change and find something new. about happiness, but what is happiness? Nobody knows what happiness really is. Forever. We'll be right back. Thank you.

Your self-loathing functions like a malignant that has returned from its reach. Underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, fin de cette première partie, un petit break, c'était de la deep house, presque deux heures, que des derniers morceaux, des nouveautés. J'espère que ça vous a plu, je me suis bien éclaté moi avec ce son. On est monté en progression gentiment, on a monté le rythme tranquillement. Voilà, ça c'est ça ma version de la deep house, en tout cas elle est un petit peu musclée. Quoi vous rappeler vite fait, alors les rendez-vous ce soir tout de suite, là, le 2 juillet à Roquebrune au Club 21, vous avez la soirée Playa si vous voulez un petit peu de musique des années 80 d'avant, comme à la Playa avec une petite dinette tranquille. pour commencer tôt à 20h et puis sûrement finir pas trop tard, c'est jeudi, mais bon, c'était l'esprit. Donc la radio vous recevra à Roquebrune au Club 21, c'est bien maintenu, je sais qu'il y a eu des trucs sur Facebook, tout ça, mais faut pas écouter, c'est, voilà, c'est maintenu, il y a du monde en plus, ça va être bien. Je passerai faire un petit tour de toute façon, manger un bout avec mes amis. Et puis donc les deux prochains rendez-vous pour ma fille Moa, le 11 juillet, c'est à l'Estancia, restaurant au Port Fréjus. Alors je vous donne l'adresse exacte. L'Estancia, ça se trouve donc 34 place Favouillot, au Port Fréjus. Vous pouvez réserver au 09 72 87 00 55. Je répète, 09 72 87 00 55. Vous pouvez trouver l'Estancia aussi sur Facebook. Une belle terrasse devant le port. Ma fille chantera pour une belle soirée, une quarantaine de chansons. Que du gros. Que du lourd. Alors voilà, on m'appelle en direct, mais bon, voilà, je suis en direct. Et puis ensuite, si vous loupez le 11 juillet, vous avez le 14 juillet aussi, il y aura au bar Victor Hugo, dans la terrasse, sur la terrasse du marché Victor Hugo, une soirée de gala aussi, où Moa chantera aussi, pareil, une quarantaine de chansons. Que du lourd, du Amy Winehouse, du Alicia Keys, du Christina Aguilera. Décidément, ce téléphone me casse vraiment les en direct sur la radio. Donc, bar Victor Hugo, 14 juillet à partir de 18h. Il y aura une paella géante aussi qui sera réalisée sur place par mon ami Hugo de Paella Riviera. Voilà, donc un petit peu pour le programme de tout de suite. Là, c'est juste pour faire un petit coucou à tous les amis, tous les auditeurs qui me suivent là sur Facebook. J'ai vu Patrice, j'ai vu Sylvie, sûrement Francky, Dolo, et puis aussi à Riva del Garda. Un petit coucou à Luana, la princesse du lac, comme on l'appelle sur Facebook, en tout cas. Voilà, j'y envoie des petits coucous. Maintenant, c'est techno, c'est plus musclé. De la vraie techno pendant un petit peu plus d'une heure, 1h05. Voilà, le téléphone, un dernier coup quand même. Je vous fais la bise, à tout à l'heure. Radio Méditerranée, Méditerranée. We'll be right back.

Bye.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Comunatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Comunatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et bien voilà, ça y est, fin de l'émission du son de l'underground. Encore un rendez-vous épique ici, le jeudi de 17 à 20h, tous les jeudis. Nous avions 2 heures de deep house pour commencer, pour se mettre en jambe. On a fait 1 heure de techno plutôt intense. J'espère que ça vous a plu. Toujours pas de nouvelles pour le Sudtronic, mais je vous en parlerai dès que c'est dans les tuyaux. Ce genre de musique que vous venez d'écouter, si ça vous plaît, il faudra venir l'écouter sur du gros son en plein air, près de l'argent. Ça va être vraiment super. On attend juste le feu vert de la préfecture et je vous tiens au courant dès que ça arrive. En tout cas, les rendez-vous là tout de suite ce soir, venez au Club 21 à Roquebrune sur Argence, derrière Mercedes dans la zone industrielle. Là-bas, il y a la soirée Playa avec une dinette, vous pouvez manger sur place et tout, c'est cool, et finir pas trop tard. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est le samedi 11 juillet, Moa qui chante pendant 2-3 heures un récital de une quarantaine de chansons à l'Estancia, un restaurant pizzeria qui est au Port Fréjus, 34 places Favio, avec une très belle terrasse qui donne sur le port, une carte très sympathique avec plein de plats plutôt de qualité, pas trop cher. Les premières pizzas sont à 7-9 euros, tout ça, donc on peut manger avec un son super à l'Estancia. Ce sera le 11 juillet. En début de soirée, je pense qu'on commence vers 19h quelque chose. Et puis après, il y a le 14 juillet pour la fête nationale. Nous serons au bar-restaurant le Victor Hugo sur la place du marché Victor Hugo à Saint-Raphaël. Et là, c'est pareil, je vous conseille de réserver. Je vous donnerai aussi le numéro, je ne l'ai pas sur moi. Mais en tout cas, c'est un lieu très connu. Là aussi, Moa va chanter une quarantaine de chansons. Le 14 juillet, il y a aussi une paella géante qui va être préparée par Paella Riviera, mon pote Hugo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous passer un petit coucou, passer une bonne soirée, vous faire des bisous. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de son de l'underground. Je ne suis pas en possibilité de donner l'émission. Mais c'est pour des bonnes nouvelles, je vous tiendrai au courant en tout cas. Donc on se retrouvera dans 15 jours ici, le jeudi. Et puis ben, coucou à tous les auditeurs, les amis. Et un spécial dédicace à Luana, à Riva del Garda, une grande fan de la techno, la Principessa del Lago. Et maintenant je vous laisse avec la playlist de la radio. Bonne soirée. Radio Méditerranée Var. Radio Méditerranée Var, le son des hits, les souvenirs disco funk. Il est 20h. Radio Méditerranée Var. Bienvenue sur votre web radio. Bienvenue sur votre web radio. Radio Méditerranée Var. Les hits d'hier et d'aujourd'hui. Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.